بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم الخيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة ونادى: أن الله ورسوله ينهيانكم عن اللحوم من أمور الأهلية فإنها رجس متفق عليه. وعن عمر بن خارجة رضي الله تعالى عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منا وهو على رائلته ولهابها يسل على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. صدق رسولك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، ginnaw biñu sante yalla julli ci yenen tibbi alayhi salatu wassalam, ñi ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen balu haq ci ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu bo lañu jéggal ci barke rasulullah alayhi salatu wassalam. Jotay wessu kon ñi ngi won batay ci hadithu ñaar fukel ak ñatt ak ñaar fukel ak ñent bu bulughul maram min adillatil ahkam bu al-imam al-hafiz أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله. كون موي حديث يي سنج بي جانغ ليغي تيغو نجك بي موم موي وعنه رضي الله تعالى عنه اي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال: لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحه فنادى: أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الخمر الأهلية فإنه رجس. متفق عليه. وعن عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. كون حديث بو نجيك موم موي وعنه رضي الله تعالى عنه مانام انس بن مالك رضي الله عنه انه وقال لا دا فا وخني لما كان يوم خيبر لما باغا خامتاني كان خيوننا امونا يوم خيبر خيو خيبر موي خاريو امرنا ديغل نون رسول الله داوال يالله صلى الله عليه وسلم ولا بك امر رسول الله امر رك digelena rasulullah ndawal yalla ni sallallahu alaihi wasallam aba talha radiyallahu ta'ala anhu sanada mudadi wote ni annallahu akbar yalla wa rasuluhu ak ndawam li yenen tibi sallallahu alaihi wasallam yanhayanikum danan len te ngi len di tere an luhumi ci ndawaluk ni ngi len di tere manam ni ngi len di tere lek ndawaluk yapuk lan al humurul ahliyati mbam sofi mbam al ahliya yi ko jukeri moy domestique fa innaha ndax ñoom day manam ndawal li rijsul sogala. Muttafaqun alayhi deppo nañ ci solo ko manam ñaari imam yi al imam abu abdullah ha nakam muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn mughira ibn bardisbah al bukhari al-juhti wala رحمه الله اك الامام ابو الحجاج مسلم ابن ولا ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله دغ كون نيوم نياار امام يوي نيو سولو حديث مانام سولو نان حديث ñom ñaar nak suñu solo ya hadith du jar ñuy préciser né kenen solo na ñu néna mu tafko na hadith buñu xafé né mam bokhar ak mam muslim solo nañ ko soxlo wu ñuy préciser né kenen ko solo ak ko solo wu ndax moy ala dara jox sahha degré bi gëna kawé ci wëru hadith benen bi ci dess mom moy wa an amr ibn kharijata sayyidna amr ibn kharijata radiyallahu ta'ala annahu qala nena nena khatabana khutbal nañu rasulullah ndawal yalla ni sallallahu alayhi wasallam bi minan fek bobu ñongi te minan wo fek mom yantib sallallahu alayhi wa rahilatihi mi ngi ci kaw war wayam nena walu ab muy gellem ge naga ga ñom gellem bu jigen walu abu ha fek tofli tam ya yasilu ni ngay wal ala kat fay ci sama ko mbagi nena akhraju ahmad imam ahmad ibn hanbal ah rahimahullah mom tamat abu abdullah ma abu abdullah lutu ahmad ibn muhammad ibn hanbal wa mom tamat wa motax beuri na ci ñom ño xamantene abu abdullah lañ tuddu lañ leen dikke deja a'imatu moy ñena a'imatu salafa ñetti imam yi ñom sét dakantal abu abdullah ñetti imam yi moy kan ak wala imam malik ñom shafi ak imam ahmad ñom ñet ñom ñep sét dakantal abu abdullah ñentel bi mo am benen dakantal mu tuddu abu dakantal bi lan la abu lan abu hanifa abu hanifa la wala motax mom dakantalam la gëna siwé ko turum sinon mu tuddu wala nu'man ibn sabit non la tuddu radiyallahu anhu al imam abu hanifa ah legi wala mom ñom ñatt non la imam al bukhari abu abdullah imam al hakim abu abdullah wa al hakima imam al qurtubi abu abdullah etcetera barne abu abdullah ci borom xam xam yu magi wala deng legi kon mom moko solo imam ahmad ibn hanbal ak imam at-tirmidhi abu isa muhammad ibn isa ibn sawrata at-tirmidhi rahmahullah wa radiya anhu deng kon hadith yoyu ci lañ nekkon ci jotay yi wess don ko waxtane ba legui ñu yexi ci fiñu wara ci danaka suñ jotay bi mom bu sobe suñu borom subhanahu wa ta'ala amal nak fi lañuy jéxala li adi won ci masala fiqhi wala jotay bi wess gisoon nañ ay masala fiqhi ci lan lañ yal lañ gisoon ci jotay bi wessu wa wa fas wa gisoon nañ fas wa wa li genn wala moy len yi nga xamantene ñoy genné ci li dundu ci lan ci lu dundul wala ci med wala nen bu genné ci med ak nen bu yaqku ak lan hein yi genné ci med wala yi genné ci med wala yoy lañu gissoon ci jotta bi wess wala legui kon legui waxon nañ ne legui ñun tay lan lañu gis lan lañ waxon ne jotta bi bi nañ ko gis inshallah xew khaybar liñu ci indi mom moy hadith bi dafa tambale ci ne lama kana yawmu khaybar ba yawmu khaybar amé atti bi amon na légui nak lolu du ben atté rek bu isolé wu ci yawmu khaybar lolu tax al maghazi xew li ñaan al maghazi xari imam az-zuhri rahimahullah dafa ni sayyidina ali zainul abidin hein moy kan doomu kan non ali zainul abidin doomu sayyidina husayn la husayn doomu kan Sayyidina Ali ak Sayyidat Fatima bi doom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam voilà donc Sayyidina Ali Zainul Abidin radiyallahu anhu daf ko don wax ne ñun de dañ ñu don jangal al-Maghazi comme nit ñu don jangale al-Qur'an al-Maghazi moy xare yi am nan par exemple jour sangam xare amna xew xew sangam manam xare bi li mo ci am li mo ci xew ni mo ci ke lutax manam dañuy gis ni ñom daanu ju jang xare yi comme ñun ni ngi koy jange nga xamne dañuy netali soir nan ndeysar xare ba dal li wa xewo gaay bi kiwe bi gaay dajalo we nangam gaay doorante nañ fi nangam nangam gagne nañ fe et cetera nangam daanu na nangam lañ japp nangam xewna ñun daanu jall non rek netali ko rek romb dem seen yoon abadan ñom daanu ju jange nonu dañ ñu jàngé nonu la xaré abadan dañ ñu jàngé nonu tamit alquran lo tax ibnu umar radiyallahu anhu mané la né ñun ni yéneñu sallallahu alayhi wasallam jàmono ñu sallallahu ñu dañ jàngé alquran moy dañuy jàng fukki aya suñ jàngé fukki aya dañ koy jall japp xam ko tak ko japp ko djegge ko doga jange yenen fukki aya ñun non lañ dan jange lool mom motax lu bari ci sahaba yi radiyallahu anhum ci jamono yenen ci sallam moko lu ñu won alquran mu sayyidna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu bi mokale sourate baqara da rendi nak sa no ñom daanu ñu def comme ñun ni ñi jange ñu don jange ki voilà ndax lan ndax dañu japp ne ki nga xamne mom moy jang alcorane té xamul sens yi djému ko ñom koku ñu tuddé xamul alcorane ki jang alcorane té xam sens lan la lan la bëgg ah fatal wu lu bëgg voilà dëng lay ki jang alcorane ki jang alquran te japp tak sans yi xam lan lay tekki ak diko jëfé koku lañ tuddé won xamilu qur'an mom lañ dan tuddé ki té alquran ki yanu alquran wala bok du rek ki nga xamné dafa mokal sans yi dafa mokal baati am lan dox ko xam nga deug ñom kon du koku rek lañ japp ne mo mokal mo moy ki ci won voilà legi bok na ci ki nga xamantene mom lañ jappone tamit ne mo modan xam hadith yi motax li suyuti wax rahmoullah ci alfiyam bi mu nan wa sami'ul hadith bi iqtisari an fahmihi kama thalil himari فليتعرف ضعفه وصحته وفقهه ونحوه ولغته وما به من مشكل وأسمى رجاله وما حواه علما واقرأ كتابا تدري منه الاصطلاح كهذه وأصلها وابن الصلاح من نغاي موكل alquran mune hadisi bokoy jang bo jang mune wax sami'ul hadisi ki nga xamne day ñew ni di deglu hadisi di jang hadisi non biqtisari an fahmihi yam rek gattañ ni ci lolu bo manam comprendre le sens yi nga xamne mom la englobé mune kama salil himari comme bam la may manam comme ni alquran wax ne alladhina humilu tawrat thumma lam yahmiluha kama salil himari yahmilu asfara ñi nga xamne dañ leen doon jox tawrat mais jeufi wuñ ko jeeluñu ko ba saisir li ci nek ñoñu ñok mbam yu yam ay seuf ay téré yalla ay seuf téré ñoy am mais non la tam lolu yamul ci wa ci yahudi kesse julli ñi tabe bu fekkete ne yow alcorane bi dang ko japp non rek mokal ko non rek te li ci nek sens bi manaay ki bi xamu ci dara jappoko takoko manam jéewulo xootal manaay niki nonu hadith yi nonu mais yow comme babu yusuf ay téré manam parce que xamulo manam parce que babu yusuf ay téré du ci jari ludul di sangi non la déme tamit la tax mu né wa sami al hadith bi qisar an fahmihi ka mathal al himar ngani ko numay def mo law ya ta arra bo fa ho wa sihhata kon nak nga fexé ba di jang bu bax di xam yi wir ci hadith ak lan mo ci wiridi lu ci wir ak lu wiru wa fiqahu ak fiqbi wa nahwahu ak nahw bi lak ci hadisi wa lughata ak lang manam lughay bat lughay wa ma bihi min mushkilin ak lepp lu ci leunte nga japp nga fexé ba diko xam wa asma rijalihi ak turu nit ñi nek ci cyallalay hadisi ak li wor worlo ci tur yoy wa ma hawahu ilma ak lepp li nga xamne tourner na autour de lolu ci xéti xam xam wala waqra kitaban tadri minhu lisilah nga jang tamit téré bo xamantene da nga ja xamé istilah yi moy jargon technique yi terminology yi mune moy lan mune ka hadhihi wa asliha wa misalah ka hadhihi kum téré bi moy mom mom bim bind alfiya mom wa asliha ak tosanu téré bobu wa misalah ak muqaddimatu misalah comme genre bobu manam ben ci yoy bo ci jang wax la mais manam lim gis nga kon ñom daanu ñu jappé mbir mi naan ki diw jang na nangami hadith diw ki manam ñom lolu du lolu mo amone solo ci ñom manam li ëppone solo ci ñom moy ginnaw buma jangé ben hadith bobu nako jang de fond en comble bumay jang ben ayé kessé na jël ben ayé jang ko mais de fond en comble ma traverser ayé voilà mais légui nak affaire bobu dafa soppé ko complètement légui affaire dafa lebe djou voilà de telle sorte que lolu exception la légui manam lolu ci bopam moy exception voilà mam soko defé na ho affaire dafa yex ça fait longtemps alors que dedet alors que li c'est la norme mo nekon la norme en fait hein voilà voilà hein voilà donc voilà lol la donc il faut hein? Persévérer du lol hein persévérer ci cheminement bobu non légui mom mo né kon ñom manam zainul abidin rabbi allah né ñun dañ ñu daan jangal magazi comme ñu daan jangalé alcorane magazi moy xare yenen ci bi sallalahu alayhi wasallam upp ci masala ci xii ci xari lañu genné jamono xari lañu genné ak ci xari mi nga xamantene tamit mom moy lu bare ci ay xew ci ay jangat ñoo ci nek buñu xolé alquran day netali tamit magazi mais du ko netali ko motax alquran ci nit ki mën nako jang ba fay du gis fan lañu netale xare badar wala du gis fuñu netale xare ohop wala yow mu xandak wala khayba wala yoy du ko gis te pourtant alquran dama fess bel ci ay ci aya yo xamantene ci circonstances yoy lañu wacce wala bok dañu wacc ci bi wax ci yu mer yoy non voilà hein voilà deng al maghazi kon moy xare wala buñ xoré suratul anfal par exemple suratul anfal yeb bam dess ñaari ayé bim moy ay nan no wala ben la sax xew izyam kurubika allazina kafaru yusbitu ka aw yukhriju aw yakhuru ko yamkuru wa yamkuru allah wala khairu makr lool mo ci genn li ci dess yeb ci xare badar lay wax li ci dess yeb ci xare badar lay wax suratul ali imran liko dalé ci wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'u al-mu'minina maqa'ida lil-qital wallahu samiu'un 'alim ay bob ba presque ci fin 60 ay yoyu non yep ci xar ko xam lay wax tu voilà suratul hasr subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa huwa al-'azizul hakim suratul hasr bob li sar bi yep ci ghadawt ban nadir lay wax sortu fat inna fatahna laka fatan mubina lib yep xol ci fahuma kala wax ak xare sulahul hudaybiya sulahul hudaybiya ak fahuma suratul ahzab ci bir ay yu bari ci bir ci lol lay wax suratul ci ahzab lay wax moy xare khandaq so xole xare saru suratul nur suratul nur amna fukki ay ak ben yo xamantene ci ghazwatu muraysia ci lay wax suratul tauba à partir de en 35e ak 36e wala 37e aya ci lay waxe ci xare hunain à partir de fofu nak ba sar bi jeex molam ba ci 129e verset yeb ci ghazwat tabuk lay wax mama ah xare tabuk lay wax et cetera donc da ngay gis ne manam voilà donc da ngay gis ne lan kon xari dañu nek ci xul alquran day wax ci xari bu baax di ci traité manam kon ñom da ñu jàngé ay nan lañ jàng nañ waxtane deysan tay mom xari Khaybar lañu waxtane daal di netti l'histoire rek gaay yi daal di ñoy accu ñun ku nekk tax ñu tasaro ñu lay waxtaan wi neexon na affaire doonu deme non ñom han nan deysan ndekete li nekk xew na fa deysan ah ñom dañ daan jël mbir mi jang ko du font en comme motax mu ne dañ ñu ko daan jangal comme nit ñu daan jangale alcorane manam non seulement dañ leen daan netti l'histoire bi mais aussi dañ leen daan wax lan mo nek lan yan atté ñu ci nekkon kon ñu dugg ci suñu atté xaré Khaybar bi nga xamantene manam atté bi nga xamantene mom mo ñu ci gëna frappé mo ñu ci gëna marqué mo ñu ci gëna intéressé moy lan ha moy lan ha wala waaw ke ndax yap mbam ndax yap mbam dagal na lek wala dagal lu lek ah suñu hadith bi daf ñuy wone yap mbam dafa harama lek te lolu ijma la suñu day wone ni yap mbam lan la dafa harama lek mais nak il faut ñu comprendre que ni yap mbam haram na lek lolu ijma bobu legi la am waye avant voilà mais avant ijma bobu amewul won nonou ndax dafa am lenn ci sahaba yi radiyallahu anhum ño xamantene dañ doon wax ne mais lan motax ñu haramal lek yap mbam solo cause bi dañuy japp ne dafa haram ba faaw wala rek dafa haram pour ben moment bu donné et pour des causes yu donné yu précise yo xamantene bu fi cause yoy nekké haram gi rafi né fu cause yoy la ko d'accord haram yi da fay da lool mom motax ngay gis sahaba yi radiyallahu anhum ñu doon wuté ci hadith yi comme ni mu nekké ci sahih yi imam bukhari imam muslim radiyallahu anhum yeneen téré hadith yi ngay gis ku melni ibnu abbas radiyallahu anhu comme ni ko talib yu bari solo wé ci mom daf doon douté est-ce que yap mbam khou mbam seuf dafa haram ngir né dañ ko dañu defugul luñu wax takhmis moy buñu jëlé buté la guerre bi moment biñu sédélé buté la guerre bi sédélé gogo dañ ko defugul won motax ñu téré ko wala dañ ko def ha est-ce que buté la guerre dañ ko sédélé gul won parce que xam nga période bobu avant Khaybar lek buté de guerre té kenn sédélé gu won lo tam bok na ci atté da haram mais jouru Khaybar yantou sallallahu alayhi wasallam la ci la woy fa lay ci mbir mom manam nit ñi ñuy mëna lek ci buté de guerre té fek kenn sédélé gu ko mais nak buñu xolé yi nga xamantene mom la doon wax né mën na ko lek mom moy yu démé nak yenn ñam yi ñu fekkon ci biir kër yi ak yenn moy lu demé nek ñom lem ay ñom pep yi pep moy céréales yi ak yu mel non yoy mom dañ ko kiwon mais par contre yi nga xamantene nak ñom ñoy animaux yi nga xamne mom lañ amone ñom xar yek nak yek beuy yek yoy geuleen yek yoy mom dañ ko taxmis yoy dañ ko taxmis manam dañ ko seddelé voilà donc voilà donc vous non madame kon lolou mom motax lolou bok na ci cause yi nga xam tane tax comme li mu jaxit wax ne ibn abbas radhiyallahu anhu daf do wax nan est ce que cause bi du won ne le fait que tax ni so guñ ko wor mais amna tamit benen cause bo xam tane daf koy évoquer yenen sahaba tam don ko évoquer radhiyallahu anhu moy le fait que ñukoy war parce que comme niñ ko gissé hadith bi ñu wax amna ci riwaya yo xamantene dafa wax lool né dañu ñew ni yenenbi sallalahu alayhi wasallam mbami kat légui ñi ngi leen di nekk dé ba gaay doon amatu ñu lu ñu war yenenbi sallalahu alayhi wasallam né abou talha té mal nga woté ngén leen buñu ko lépp buñu ko lépp donc lool tamit mën na tax ba ñu fogné kon lool mo moy cause bi waye véritable cause bi amna tamit ñu japp né jallala la lool mom motax jallala moy té mais lolu avis bo plutôt dañ koy fekk ci imam malik rahmalahu imam malik ci masala bi dañu fekk ci mom ñetti wax imam bi ci bopam la waxuma ngir bi imam bi rahmatullah alayh mom dañu fekk ci mom ñetti wax hein wax bu ñëk bi mom moy né lek yap mbam daganna mom daganna ba waw ibn abbas bi radiyallahu anhu benen bi ci dess mom moy ne lek yap mbam dañ ko sip bi ci dess nak moy da haram te bobu nak ci la wa ngiram mu jeulal mu jejjap manam motax ngay gis maliki rahmatullahi alayh manam ak manam yenen fuqaha yi dañ japp ne yap mbam lek yap mbam dafa lan dafa haram ndax tek si dañu lan dañu lek bok na ci tek si moy sunu hadith bi kon lolu mom leer na yap mbam dafa haram bok na fiñu tektelo nak moy hadithu khalid ibn abdur bi radiyallahu ta'ala nu bimu ñewé ni yentu sallam mi ngi sunan imam abu daud rahimahullah neena yentu bi sallallahu alayhi wasallam man de amatuuma manam asabatna sana manam sana manam moy ben genre moy bekor bu metti mo ñu dal moy misère sécheresse moñu dal bu metté metti aw ndol wala ndol moy miñe wala deng am ndol moñu dal ndol mu metti té amatuñu awma lenn lumay dundalé sama awma lumay dundalé sama lan njabot ludul xana ay mbam dal la yo te yow da nga tere ñu lek mbam muneko no mais lek ko lek len ko mune innama harramtuha min ajli jallala manam wala juwalil qarya min ajli juwalil qarya yani al jallala bo gisee ma tere won ko haramalon ko moy le fait que mom nga gis mbami dañuy wër ci suuf ci dekk yi ci bir di lek ay sobe lool mo taxone ma téré ko mais boudé ya ko téy ci sa bir keur takko ko yéw ko mu domestique grawul mën nga ko lek hadith bob mi ngi ci sunan imam abu daud rahmalahu waye imam an-nawawi rahmalahu ak ñeneen ci borom xam xam yi nga xamne ñoy xaxa hadith yi ñom dañoy japp ne lolu dañoy japp ne hadith bobu comme niko borom xam xam yu bari waxe rahmatullah alayhim ne dafa la wiru ngir ne charge la dafa beru te dafa wute hadith yi nga xamantene dañoy wir bu wuté hadith yi xamna dafa lan dañu wër ah leng ah kon lolu ben cause lo amna benen cause manam amna benen kon buñu xolé wuti manam benen mbir buy wone ni hadith yi dafa manam kibi dafa haram manam yap mbam dafa haram te lolu taxul yoy yep taxul mom moy wax jimu wax leral nang ci ne fa inna rijsul aw najis wax jimu wax ne sobe la parce que sudul won lolu te yenenbi sallalahu alayhi wasallam comme niñ ko gisse ci yenen hadith dafa ne nañu ko la nañu tour yapp parce que instant bobu non gaay dañu xifoon comme hadith abdullah ibn abi awfa bi radiyallahu anhu tammi ci ñaar sahih moma bobu mu ne dañu xif gu tarata ñu japp nak mbaawi rendile di len tok biñu deme bu ci niiri bax moma bi mi amem di xex deug ci la yent bi sallalahu alayhi wasallam yoni wax ne manam ci la yoni abu talha radiyallahu anhu ne lan nena yent bi nena sallalahu alayhi wasallam lañu tour la ci ni ne yalla ak yent bi sallalahu alayhi wasallam ñom ñoo leen di téré yakku mbam parce que sobe la lañu tour nak ci ni ba paré nañ leen tok nañ leen yak voilà légui motax ñu ne yent bi sallalahu alayhi wasallam awana xilu ha wa wala bok xana au lieu ñuy yak ci ni kay mu ne wa finalement est ce que duñu len lan duñu len raxas ben yon ñu ne wa si wa il sulu ha raxas len donc si ay comprendre que ni meuf na raxas tamit manam kon sobe bu taxé fenn obligé wulo yak ko yak lola mutax heureusement alhamdullah ben koy raxas kessa mu jeex sallallahu alaihi wasallam wa ay wa lolou mom moy lan kon lolou mo nekkon atté bu ñëkk bi ñaarelu atté bi mom moy li ñu tuddé as-sabaya al-hawamil sabaya moy saba bilba ci mi ngi ci as-sabay bi teki manam mom moy singulier bi moy jambu jigen buñu japp mba yalla ni nga wax ah wala ben terme bu nu rok lol en tout cas jambu buñu japp ci xare prisonnière de guerre al khawamil moy buñu ëmbé khawamil moy ñu ëmbuñu jour bobu lañu téré ki leen mom moment biñu ëmbé mu joté ak ñom yenenti bi sallalahu alayhi wasallam wax né man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yasqi ma'ahu zar'a ghayrihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yasqi ma'ahu zar'a ghayrihi hadith la bu nek sunan imam abu dawud ak at-tirmidhi rahmatullahi alayhi yantibi sallallahu alayhi wasallam ne ku gem yalla ku ne gem bis bu mujju bi bu mu nandal ndoxam njembatu kenen manam bu mu arroser ak ndoxam njembatu kenen manam moy bu mu jotté ak ku ëmb d'ailleurs motax même motax jigen di eumul mene fu ko maye mama bi eumbe ha voilà mama bi eumbe mene fu ko la mene fu ko maye donc lool muy benen atté bi nga xamantene bisu khaybar tamit la ñew moy moy lan moy jigen gi nga xamantene moy istibra liñ wax istibra sabi moy istibra sabi moy lan moy jigen gi nga xamantene dañ ko japp prisonnière de guerre bo bolé ko sédélé xam nga en fait prisonnier en fait parce que guerre buñu jappé nit ñi prisonnier dañu am ay choix parmi choix yoy nak bokku na ci moy man nako lan man nako japp manam def ko japp buñ ko sédélé manam buñ leen jappé prisonnier ñu sédélé gaay né ay woyow ki légui sa japp la ya ko mom bok manam ci bité bi la bok manam ñu japp non mune na leena parce que amna ñek amnañ position amnañ bu la nexé ngaray leen su la nexé nga def leen prisonnier donc nga lacc rançon su la nexé nga hein nga gardi leen su la nexé nga def leen jam su la nexé nga bal leen ñi choix yi la nga maintenant ki nga xamantene mom moy jité moy imam bi ki ñaan imam bi manam mom moy chefu gaay mom mo am droit xol solo mom solo lan mo gën ci période bobu ak ci instant bobu lan mo gën stratégique mom moy xol ce qui fait que ni mën nañ len bolé ci lan mën nañ len bolé ci buté de guerre bi daal len di bu def ay jam légui buñ len defé ay jam na budé jam bi jigen la nit ki day am droit yi mu am ci soxnam day daal am droit bobu ci jam bi ci jam bu jigen bobu voilà day daal am droit bobu ci lan ci jam bobu suko defé lu ko manam légi kon mais fini yaronte bi sallalahu alayhi wasallam dafa wax ne ci hadith bu nek ci sunan yi ak ci musnad imam ahmad rahimahullah alayhi ne la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yaqa'a 'ala imra'atin min as-sabi hatta yastabri'aha ne yaronte sallallahu alayhi wasallam ne du dagal ci nit ko xamantene gem na yalla ak bes bu mujju bi ci muy jotté ak kenn ci jigen ñi nga xamantene ay prisonnier de guerre lañ loolul mu def li ñu tuddé an istibra moy mu xaar wala wa jeul c'est bon wa parce que ñom fek ñu koy gis wa voilà légi al istibra moy la istibra moy nga xaar ba liñu tuddé rahim manam fiñ koy wax moy ruhum moy liñu wax butu juru kaaj dal di sa mu leer né moy le basse amna non dede l'utérus voilà manam ba l'utérus bi manam set mu leer ne amul moy ci amul lolou nak wouté na ak liñu tuddé lolou nak wouté na ak edda ak teng ñaar yi wouté nañ lolou mom motax ndaw su mel nonu mo xam jëkërëm ji manam ci yéféri parce que ci yéféri lañ leen jappé mo xam dañ ko ray wala rayuñu ko ndax wala mi ngi dund manam au moment où japp nañ ko mom mu nek prisonnier de guerre rek manam ci période bobu ci lay nekké ko xamantene dañ koy daali manam mom dañ koy daali manam mom eko bu boba jëkër ji amatu ci dox a dede amatu ci droit légui mom bu dañ ko mom kuñu mom wala comprend nga wa lolou lu mata baye xal la maintenant li nga xamantene mom lañ téré mom moy istibra bi manam kon il faut nga xaar ben yoon ndaw si gis ay mbeureugum ba mu sax ci mbeureug yoyu ben yoon lolou mom moy tamit comme cas de figure souvent yu ñi faral di gis fi ni yu bari yalla nañu yalla sam Allah musalla salamata wal afiya yalla nañu yalla sam da ngay gis manam comme ko xamantene da ngay gis ñaar ño xamantene dañu bëggante mais ñoy bok fiñu dëkk fiñu fanan té ñoom kessé ñoy nek kenen du nek ak ñoom manam du am une tierce personne à côté amul ñoom rek ñoy dëkk ñoy fanan ke et cetera moy concubinage yalla ñu yalla sam da nañu yalla sam nasallahu salaamu wa rahmatuh nañu yalla sam dañu yalla sam amna benn jour ma ngi koy wax mais lolu jaadul am ko ne ma al ngi voilà ñuma lolu di ak bari ñu ko fi def moy xam nga ko waaw moy voilà vraiment yi nañu ko fi def de mune ma te nak te gis nga aw am nañu xamne sax yi no manam bobu mi may bëgg wax ne ma amna ño xam te nga te do len ko foggé en fait ñu koy def voilà bismillah mën nañu tok sax d'accord hein voilà mais lolu cadre figure bobu su amé duñu léné manam séparation des corps bi fokk mo am lolu fokk mo am il faut que ñom ñu séparer wu ñu séparer len wala mu am ku dëkk ak ñom wala mom ku dëkk ak ñom obligé wuñu kenn dem dëkk fi kenen ki dem dëkk ji feul obligé wuñ lolu voilà mais séparation du hein ko xamantene ñom ñaar fu ñu nekké voilà ko xamantene hein non mais duñ bokk nit bu lool lay wax ni non mais xam nga parce que suñu lool fure ah wa mais lool lay wax bu duñ bokk nit séparation de corps kay mom moy lolu kay firi na wax hein voilà buñ voilà mo ngox voilà effectivement mo de lañu bok ñom ñaar rek dañu nek buñ dëkk ni man mo dëkk fi ni donc di lay wétal mais xam nga lolu taxul ñuy wax lolu xam ngeen ni taxul ma wax lolu xam ngeen ni sama dëkk fi mais té jarignul da voilà Non, oui. Juste une tierce personne. Légui lolu su amé tierce personne bobu kokou non su amé lolu mom moy waral istibra bi mana am manam mu leer ne amuñu kenn ko xamantene ha moy tax moy leer ne amuñu manam ñom ñaar en tout cas ñu assurer wu en tout cas circonstance yo xamantene ñom ñaar de toute façon seen wétaay du amati lool rek la moy wax wala seen wétaay du amati lool nak point la bo xamantene dañ koy expliquer parce que dafa bari parfois ño xamne dañ koy négliger té daño japp né grawul quoi gaay ñoom dekkon nañu bëggante won nañu am nañ ben moment jéki nañu wala légui nak bëgg nañ officialiser affaire yi et puis c'est bon nañ officialiser mu jéx alors que dañu wara xol est-ce que d'abord voilà et puis amna benen question bo xamantene légui barétul luñ koy di poser té dañ koy wadi poser moy ndaw fini may est-ce que ngut parce que kini may wartu nek ko lan ombu comme niñ ko gissé sank légui séparation des corps bobu ñuy wax su amé 1 mois la du 3 mois benn idek benn mbeureuk kessé la benn mbeureuk voilà istibra benn mbeureuk kessé la ndi 3 mois yi manam du 3 mois 3 mbeureuk trois cycles voilà trois cycles pour là là pour quand là non pour qui divorce là non trop vieille du guise de cycle doit amortir celle qui ne voit pas ses cycles régulièrement ah quoi 3 mois là quoi 3 mois là qui nous guise non qui nous guise cycle 3 mois là ki nga xamantene non xam nga amna ci jigen ni nga xamantene sen beur par 2 mois lañ koy gis wala par 3 mois koku 3 mbeureug la manam parce que comme le alcorane wax ñi nga xamantene ñom ñoo do gis mbeureug ñoñu ñom ñoy am 3 mois ni nga xamantene da no eumb buñu imbé buñu juré non buñu juré dom la donc quelque soit la situation ki nga xamantene dafa eumb rek manam tay nit ki bu eumbon tay manam bu eumbon tollu ci 9e mois nga xamantene dans 3 heures de temps wala dans 1 heure wala dans 5 minutes la wara am dom dikeur di ne ko fasena la tay wosil ci sasi et dabi jehna et dabi jehna papa nu bu fekenteene su fekenteene daf ko passé tay fek mu eumb mu xamne dafa eumb mu passé ko tay ñu dem ba 9 mois wala ñu dem ba 1 an 2 ans 3 ans ndaw si amul doom ba tay dabi jehu li jexal idda moy la moy wala ci bir ci ko pour go amb moy wosin gi pour ki gis règle 3 règles la donc une fois par année lay gis règle 3 règles la ki nga xamantene mom moy ki gis lan ki lan Kirurgis règle mom 3 mois la lolay idda boudé nak koudé dañ koy téñ ha téñ veuvage ha naka veuvage 4 mois 10 jours. 4 mois, 10 jours. 4 mois, 10 jours. Sur calendrier lunaire. Voilà. Bien sûr, calendrier lunaire. Lolu yakarna da wara leer. Lepp lu nuy wax ci sharia, calendrier lunaire la bam dess ñaari cadre figure yi mo len mësona wax. Hein? Lolu ci calendrier solaire lañ koy wax. Mais budul lolu tout les lois. Toute la législation dafa téggu ci calendrier la lunaire. Bah, wa après ñu julli après baam ayo légui mu def lan légui nak voilà légui ki nga xamantene kon mom moy mom manam buñu soxlawé lan hein buñ soxlawé xam rek ndax jigen di set na wala manam pour mu set rek koku benn mbeur rek la koku benn mbeur rek la voilà té lolou mom moy daw tamit ci xolo xolo moy jigen du simé moy jigen du simé moy né bëggatuma dama bëgg yow mi ma tak yow sama jëkkeur nga dello ma sama cyan manam ma dello la sa cyan nga may ma sama baat am ma legi bu jëkkeur ji d'accordé ci lool dañ koy dello day jël cyan bi mais bu xëssé ba jël cyan gi nak mom ndaw si benn mbeureuk la am bu gisé benn mbeureuk ba set jeexna mom tamit lool lay def c'est-à-dire que kokku du japp edda kokku du japp edda wa parce que en fait kokku fassé wuñ ko kokku fassé wuñ ko am mais est-ce que wadi de pour takkat wadi lokko mo takkat mais dañ koy mais attention kokku pour ñu takkat ko dañuy dem def yépp waaw tout le processus il faut ñu reprendre mais kokku duñ ko bolé ci ñu ni fassé dëdë kokku duñ ko bolé ci ñu ni fassé mais kokku un mois la un bénn mbeureuk la bénn amatu bénn dëkk ha lolu lañ wax xolo non bobu du ko konté moma de règle bi mu nek ni de la du ko konté il faut mu set benen bi lañuy konté benen bi lañuy konté ay wa lay kon muy kon voilà benen bi ci dess mom moy mais liñuy wax mutatu nisa al mutaa bobu taw tamit xare khaybar la lañ ko kiyon mutaa moy lan mutaa moy ci tuba voilà mariage temporaire jour bobu lako yentou salalahu haram do te ya subhanallah hadith bobu mi ngi ci lu yimi ha hadith bobu mi ngi ci muwatta bu imam malik mi ngi ci muwatta bu imam malik mu ngi ci imam ci yoru imam malik bobu ci lako ñaari imam yi solo wé muy imam ñaari imam yan bukhari ak muslim rahmatullah alayhi ci yoru imam malik lañ ko solo mune sayyidna ali manam kon xolal imam malik daf ko jele ci al imam ibn shihab moy kan az-zuhri al imam ibn shihab jele ko ci Abdullah ak Al Hussein ñom ñaar di doomi Muhammad ibn Al Hanafiya ñom ñoy doom muy doomu Sayyidna Ali Sayyid ñom wala deng kon Imam Malik ak Imam Az-Zuhri Imam Az-Zuhri jele ko ci Abdullah ak kan ak Al Hussein ñom ñaar ñu jele ko ci seen baye Muhammad ibn Al Hanafiya Muhammad ibn Al Hanafiya jele ko ci bayam kan Sayyidna Ali karramallahu wajhahu wala mune naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam yawm khaybar an mut'atin nisa'i wa an luhumil khumur wa naha an luhumil khumur insiya mune jour khaybar yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa lan dafa téré dafa haramal mut atun nisa moy mariage temporel ak jigen ni temporaire voilà non muta parce que muta tun nisa lol nagn ko baye xel muta tun muta ziwajul muta lañ koy tuddé lol la nga ziwajul muta voilà moy mariage temporaire parce que muta moy ce qui est temporaire lolo tax ak bi amna muta moy tam lu ñaan tamatto voilà moy lo xamantene dañ la ko permettre vu temporalité bi nek ci ni nga waron def defo voilà xam nga tamatto kiko def moy fi nga xamantene dafa ñew acci dafa ñew umra période bi nga xamantene période ak manam ak yi la période bobu la moy asharul khurum ñetti wër yoyu mu ñew dugg ci ci bir khurum bi manam moy haram bi bi mu ñewé def adjam ba par ginnatul ba dilu ci wat au moment où ginnatul ba ci miqat bi ginnatul ba wéssu ko pour dugg ci wat nak mëna def adjam ñu may ko mu mëna def adj bi mais nak comme que dafa waron ginnatul dañ koy laaj wax ne ko da ngay rendi xat lool moy tamatto lolay tamatto ala motax ni ñi joggé ci dëkk yi nga xamantene duñu makka ñom tamatto lañu mëna def ñom buñu def acc day def tamatto wala ñu def israf mais mënu ñu def qiran bon légui nañu continuer ci liñ doon wax ci muta'atun nisaa wala ziwajul muta'a le mariage temporaire le mariage temporaire mën na né ci jamono yaronte bi sallalahu alayhi wasallam da na am même sax ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim ñom dañuy wouté est-ce que ci jour khaybar kessé lañ ko téré wala dit parce que ku melni al imam ibnu uyayna rahmalahu comme ni ko imam al bayhaqi solo wé ci mo imam al bayhaqi dafa jëlé ci imam al humaydi wal humaydi moy manam ci yoonam al humaydi moy kan wa né talibé kan non té wa serigne ñoo waxa lu mu tuddu al humaydi abdullah ibnu zubair al humaydi rahimahullah imam al humaydi bobu dafa jele ci serignum al imam ibnu uyayna num tuddu ibnu uyayna nan la tuddu sufyan deug al imam sufyan ibnu uyayna rahimahullah deug mune imam ibnu uyayna mom daf don wax ne rahmatullah alayhi né non jouru khaybar kèn téré wu ci lolu ko mutatu nisa manam ziwaju muta kèn téré wu ko ci moment bobu as-suhayli tam rahmatullah alayhi mom lolu la jappalé mais comme ni al-imam al-hafiz ibn hajar rahmahullah wa fi fathul bari ak imam an-nawawi rahmatullah alayhi ci sahih muslim ñom dañ né dédé affaire demé nonu effectivement hadith yi tektalé né jouru khaybar dañ ci téré mutatu nisa yi dañu bari parce que mom dafa japp ne taqdim ak ta'khir imam ibnu uyayna rahmalahu lool la japp imam as-suhayli jappale ko ci lool mom dafa japp ne taqdim ak ta'khir moy lan moy dafa am luñu jitam am luñu ki manam limu warona doon moy ne manam naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ziwajil man an mutatin nisaa danne yow danne yow mu khaybar naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an luhumul humuril insiya wanaha am mutaati nisaay manam ne yandou sallallahu alayhi wasallam jour khaybar dafa tere won lan lek yap mbam sofi mbam yi nek ci keuri dane mais après benen moment ci le téré won mutatul nisari mais lolu deugurul comme niko surahi beuri waxe rahmatullah alayhim ñom manu ay hafiz ibn hajar ibn nawawi al-qadi iyad rahmatullah al jami ñom mais li nga xamantene mom la ki kan mais c'est parce que lolu bo gisé al imam ibn ayyan rahmatullah am problème bobu ci ni mu comprendre hadith moy né dafa gis né dañ ko téré wat jour fathu makka tamé dañu téré wat ci waju muta jour fathu makka tamé donc ce qui fait que c'est comme si kon ken téré wuko won khaybar mais fathu makka lañ ko téré mais alors que mbir mom meun nañ ko comprendre nenen tout simplement moy né dañ ko téré daga nalat ko téré wat ko lolu mom motax mu nek ma sax lolu il faut ñu comprendre al imam moy ce que sayyidina abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu mom dafa japon ni mutatu nisaay man na ne ibn abbas radhiyallahu anhu lolu pour tontu ko lolu tax sayyidina ak mbam sofimi sayyidina ali karramallahu wajhu diko tontu nak diko wax ne ko dedet affaire bi deewu doon yenenti bi sallallahu alayhi wasallam jouru khaybar la kere ñaar yi lolu mom motax hadith bi mu wax ko non mais li ci yeme moy talibé kan ñom ñoy wax né zuadul mut amuna né ñi woté woné ñom kan lañ gëm sayyidna ali lañ gëm pourtant ñom lool mo ci gëna yeme lo xamantene dafa sax wir ting ni sayyidna ali dafa né li yel bi dako téré da sa amé ñom ci seen bop ñom ñoko la voilà mais amna mais il faut que ñu bayyi xam ben affaire gis nga ciowal lolu demb rek ma nga ko do ciowal lolu nan way gaay yi dañ fi bëggi mariage temporaire mais lolu c'est ni rien problème bobu du problème ay mariage temporaire yi le waji wax mais lolu du problème parce que lutax parce que c'est une question purement juridique et qui relève de la jurisprudence lolu rek la question bi du problème rek xam nga lutax parce que c'était bien possible c'est jamono sahaba yi amna ñu doon def muta bob diwali muta bob amna ñu ko doon def bi ko sayyidna umar deung moko yek rega kholkholam jamono yantibi sallallahu alayhi wasallam jall na am ay sahaba yi koy def parce que yeguñu won na yantibi tere na jamono sayyidna abubakar rom am sahaba yi ko ne diko def parce que xamuñu won na yantibi tere wat na yaa ngi deg ba jamono sayyidna umar radhiyallahu anhu dig jamono ci le bind ben lettre bimu yegge ni amna ñukoy continuer di def mu bind ben lettre ci gox yep di len wax ne len gaay na ngeen yegne yelente bi sa am jouru fatu makka dafa tere di wajur muta kon question bobu c'est une question purement juridique qui relève de la jurisprudence certes après wa ahlus sunna wal jamaa yep depo nañ ci lool mais il faut que manam lima ci wax waxuma ne grawul manam djubluma ci ne diko def grawul mais lima ci djublu moy ciow lu bari limu soulever matuko limatona soulever lolou kenn waxu ci lolou lañ waron wax ciow limata ciow lolou mo gëna graw moy dogme sidi sen dogme sen croyance dogme manam sen aqida bu graw bu doy war bi bobu mom mo mata wax lolou mo mata ciow mais zo adul muta ak nangam be lolou jam ciow kokou affaire ke kessel problème fiq nak dañuy d'accord lañu baña d'accord borom xoxom mi naka jek dañuy mësa wouté ci question voilà mais voilà deug mais li nga xamantene mom moy limata ciow moy akida bu garaw bi nga xamantene mom la chiti yor ak sa gaay tak 500 pour plus de 400 wa non voilà lool mo mat da ciow wa ñi tak lu upp juromi jabar mais ak ño bari wa ñi tak lu upp ñent jabar Dulu fasé dé. Non, fasé wunu dé. Ni fasé géré ko sa. Non, ni fasé kay waxu ñu lé. Allez, tiens, Hadji Malik radiyallahu anhu don kass don kifayatu rahibina mom jamono lolou amon na serigne yi def lu mom la don kass serigne yi ni takku lopp ñent jaba mais mom la don kass kifayatu rahibina amna parti bu mag bo xamantene ci lolou rek la don wax ne affaire la bo xamantene legui serigne ci dañ koy def te mu nek lu garawa garaw mais gaay japp ñu ne mais c'est comme si ñom yalla leen ko may quoi. Manam c'est comme si dañu am droit di def lo xamantene mais lu garaw la manam sa fi beur ni mom ñom mom sen mom période xewon na lolu nit ñi dañ ko don def xamu ba xam ba legui mi ngi xew mais man leer ba man il y a 20 ans 10 ans mi ngi don xew il y a 10 ans 20 ans mom mi ngi don xew mom ha ah lolu non lolu ku magge ke mer xam ko ku mag Sénégal mono fa magge to xamoni am ñoom diw ñoom seen ñu ñoom am nañ do ku ñet jabar lolu mom waaw ya man yalla sam legui kon lolou mom moy deng kon lolou xam nañ ko lolou mom voilà lolou mais kon jour khaybar lañ ko téré voilà et que benen bi ci dess moy ci jouru khaybar moy riba fadlu jouru khaybar la le bi sayyidna bilal ñewé radiyallahu anhu indi riba fadlu moy riba bo xamantene parce que tout simplement dama japp ne li mom mo gën leneen ni ma ngi ko expliquer ni inshallah sayyidna bilal radiyallahu anhu dafa ñew indi ay tandarma yu rafet diko jox yeenti bi sallallahu alayhi wasallam yeenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko akul tamrin tamri khaybar hakaza est ce que tandarma yi khaybar yep ni lañu nek mune ko dedet lima def moy dama jënd dama yoron ñaari comme ñaari sa wala mudd ci tandarmay yu sew ma ñew indi ñu jaayé mako genn walam ci tandarma ji manam buma yoré benn porte tandarma bo xamantene tandarma bu sew la wala ñaari porte tandarma yu sew ma dem ma jëndé ko benn porte tandarma bo xamantene tandarma bu dijju la yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam ni ku ay wa dedet mbir bi dañu wut non demal nga delo ko nga jël sa ñaari tan li moy jëmmi riba bi nga xamne mom la yalla tekk ku xare ku ko def demal nga jël tandarma bi nga jaay ko manam tandarma bi nga yoro nga jaay ko ak ci deureum so pare nga jëndé ci tandarma bi lol man na né li man ta nek moy ma jël même kholam légi nañ ñu jël cadre bi lool riba fadal la tuddu manam buma jëlé légui ñu bayi xal buma jëlé lan ben or manam non nañ jass ci cadre ñam yi suma jëlé ben ciébu siam ma yor ci kilo mu bëkk ko wéccio ak ñaar kilo bu richarton lool da xara lool riba fatal la suma jëlé ben oru 18 carats 18 carats ma am ci 1 gram ma bëgg ko wéccé wala ma am ci 5 gram maniko damay jël 24 carats comme mo gëna 10 bob mom buma ci amé 2 gram nga man la ko wéccé sa 5 gram 18 carats yi bob dafa xaram lool lañ wax ribal fadalé dafa déséquilibré parce que yow gëna lënté gi nga bayyi xel valeur bi nga bayyi xel lool mom dafa xaram bobu dafa xaram bobu jour xeybar lañ ko téré benen bi ci dess mom moy li ñu tuddé riban nasiya moy man mané dama am Ça veut dire que par exemple j'ai échangé mon vélo. Un échange quoi? On fait un échange de vélo. Non. Attends, je vais revenir, Inch'Allah, sur les types de voilà, d'échanges qui font que le riba existe. Voilà, le riba est engendré. Lors de notre nouvelle vie, Inch'Allah, parce que d'où le plus nek, mon am riba. Wala riba dafa am rek ci ay luñu tuddé asnaf lu mawiya dafa am ay mbir yo xamantene ci lool la riba mané né yeneen yi ci dess riba manu kene baxna ma lool ma ngi ci ñew mais lool ma ngi ci ñew bayyi ko xel ma ngi ñew légui riba nasi amoy la non riba nasi amoy moy moy li nga xamantene day jëm day yix ma dam ko yixi moy lan moy dama lay lebal dama lay lebal 5 euros pour dans 15 jours mais yow so makoy dello dang makoy fayé par 3 euros dans 15 jours c'est à dire que chaque 3 jours wala chaque 4 jours dang may jox hein wala bo grand 3 semaines disons dans 3 semaines chaque semaine nga jox mo 3 euros ce qui fait que bu 3 semaines yi joté net lay don hein 9 euros légui man 5 euros la jox yow nga fay ma 9 euros lol moy riba nasiya voilà wala bok ma jox la tout simplement nganuma 10 euros la yor nganuma wa man la wa mais dans 15 jours nangam amna tamit benen forme bi mom moy dama lay jox dama lay jox tay juromi par exemple ben kilo or dans 10 jours nga jox ma kilo or mais bu benen façon mais wala même bi mais kilo ak genn wal manam à chaque fois que le temps de jouer sur ki bi lool moy riba wala ci emprunt bi lool moy riba nasiya quoi lool la dañ koy tuddé tamit ribal mudha'afa rota alquran ne ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihuna wattaqun nara allati u'iddat lil kafirin hey yeen ñi nga xamné gëm gën te degg bu len lek riba bi nga xamantene dañ koy fulali manam day lutti ni da yow dañ day dox dara ne parle pas ok deng yeen ñi nga xamne gëm gën te degg bu len di nek riba hein mudaa da la ta'khulu riba adha'afan mudha'afa muy nek lo len di fulandi manam lo xamne da ngeen koy am manam lool nak jarul muy nek rek luñu multiplier wu la mais le fait que rek tout simplement app manam joxe gi di indi apport bu gëna bari manam le fait que temps bi di jouer ci am bi lool rek la mais nak amna nak lu dagan li ñu tuddé salam lool dagan la wayo salam moy lan moy man mané dedet taxit la bëgg wax salam après benen affaire la salam tamit dagan nak temps bi day ñew mais taxit moy dama lay jaay portable bi la lay jaay budé téw mi téw manam sur le champ dama la koy jaayé 60 euros mais budul téw mi téw ma dila ko fay nga dima ko fay en plusieurs fois dama la koy dagué ci 90 euros dans un mois la lol dagam voilà c'est que lolu la doon wax né li ak li doon sang wouté wuñ menna xam nga lutax mu wouté tay la nga wax la lutax mu wouté han wa non lutax mu wouté moy li am njaay la mais dama la lebal jëmmé matériel dama la lebal jëmmé xaaliss bi lool mo leen wutale manam li ma lay jaay mom la ne la boko jëndon légui ni boko jëndé légui nangam la mais ci temps bi dans le temps day étalé wu wutale nak ak tay dama lay lebal nangam mais so bay fay day gëna bari wuté na dé voilà légui amna benen façon riba nasiya amna benen façon moy tay té lolu ñu bari di ci dugg té duñ ko xam moy mayor 50 euros jappal bu baax 50 euros manila 50 euros baangi ni am dama ko lama la koy da nga may wécci 50 euros ngani ma man 40 euros la yor mari la waw jox ma 40 te djel 50 ñu bayyi ba benen yor nga jox ma 10 lolu riba la tamit waw parce que lutax parce que yadan bi yadin la wara don loxo ak loxo la wara don échange bo voilà wala meun nga ko def lettre meun nga ko jox ne ko am 40 buma inde 10 nga jox ma 50 ma yore la han non tout dépend ci niñu formuler wax bi ouais on peut très bien dire je prends les 40 et l'autre il me prête les 10 et vous vous rendez parce que en fait les 10 qu'on n'a pas donné c'est un prêt non hara c'est parce que il y a l'échange l'échange de la monnaie donne xam nga dañ nañi monnaie donc fofu cadre figure bob mom dafa leer que ni moné la nga ma jox moné la la jox bu boba daño wara tolo li ma lay jox ak li nga may jox ci sage ñoo wara nek ben da wara identique carte bu mo démé ci boutique bi may jënd moné ma yoral na la 10 euros yoral na la 10 euros manam 50 euros la indi man lima koy jaay 40 euros la wala 40 wala 40 euros lay jar mom mu jox ma man mu jox ma jox ko 5 euros ni ko yorel na la 5 ma jox ko 5 euros ne ko yorel na la 5 bobu mom ak ki bi ben la mom ak échange ben la quand je vais avec ko 5000 lol lebal la tuddu lol mom motax ñu bari dañ ci duggu te duñ ko xam problème question riba bobu 40 pour l'échange. Mais après, tu te rends compte que tu dis, j'étais parti au départ pour l'échange, mais une fine, quand tu ouvres ton sac, tu vois que tu n'as que 40. Ouais. Et après, tu dis, moi j'ai que 40. Ouais. Et l'autre, est-ce que tu acceptes que je te donne les 10 plus tard? Mais lol, là, l'a mais lol, là, voilà. C'est que. Non mais après on va continuer. Dede, non, ligue YouTube, mon gars, c'est ligue bien là. Ligue qui m'a moi, lola y a tout ça là, ça là moi. Voilà, d'abord ni. Ah daf ni nako la wona sa bim nan az-zahabu biz-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wat-tamru bit-tamri wal-bu'ru bil-bu'ri wal-sha'ru bis-sha'ri wal-malhu bil-malhi mislan bi mislin yadan bi yadin mislan bi mislin yadan bi yadin dane da ci tegn faman zada aw istazada فقد أربى الآخر والمعطي فيه سواء وإذا خالف هذه الأصناف فبايعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد لوخو اك لوخو نومي c'est que problème bi moy wéccu bi ci bopom manam moy xaliss bi yow li ngay jënd daf xaliss bi ci bopom daf ci manam dafa am ñaar manam c'est parce que ndjay mom dafa am ñaar dafa am jënd bi ngay jënd matériel bi mu am tamit wéccu gi mu lay wéccu manam li ngi koy jox li doleku mu war la ko wéccu manam ñaari jaay la ci benn jaay ñaari xétu contrat la ci benn bi lolo tax bi ci ne sayyidna omar radiyallahu anhu daf don wax ne ku munul ku xamul atay njaay ak jënd jang ko deug jang ko ba xam ko xam li ci sharia wax dañ lay téré sunu marché lutax parce que soit da ngay lek riba ba nga lek loko nit munul ñak ha M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. Non mais non yow lolou du yow pour que mou leer mais ni ni len jaxal moy bari gi mou bari ak si c'est comme or bi ñu Sénégal ngi leen dalu yow bu sa 18 carats wa ñu def le 21 carats comme ni 10 comme sa 18 carats bi nga andi won mo la won wax sax voilà bobu baxul bobu dafa haram lan ñepp koy def Sénégal wa mais dafa haram mais lolou mom lay wax yeen dibi sallam lolou la téré dafa téré aussi mais dafa téré aussi lo xolal tay munuma jënd munuma jënd tay par exemple ciép lo xaya ciép buñu togg mu jënd ko ciép buñu togg lolou man tane ha wa mais tay buma yoron saaku ciep buñu toggu ma bëgg koy jëndé ben bolu ciep buñu toggu man da nek et vice versa manam mënuma jëndé ciep bu tuti et cetera lutax parce que mënuma xam nan la voilà nan la solo nan la kibi wala lolou ay yentou sallama ne or ak or khalis ak khalis argent ak argent blé ak blé or ak or tandarma khorom ak khorom yi fo len di jëndé jaay len ci ñaari condition mislan bi mislit ak yadan bi yadan ñoom il faut que ñu tolo boudé dañ leen manam ci buñ leen pc wala ñu nat leen nañ tolo ba paré ngeen def leen content ligi parce que su wi wuté nak mën ngeena jaayé nu mu leen nexé sous condition que mu nek loxo ak loxo content ak content ligi képp nak ko xamantene yokuluna wala mu yokku wala mu lat ni manam yok kalana wala mu yok lu ko dafa man zada aw istazada ñu na mu na faqat arbal akhir wal muqi fihi sawa ki jël ak ki joxe ño yam ci riba bi ci bakar riba gaay ñu koy faral di def waaw birum auto yi waaw birum auto yi dañuy faral di fay exemple waaw parfois mais ñu bayyi xel ku am question yu fi la jëm waaw bu dé légui dafa am ñaar ñuy échanger auto waaw seen auto waaw mais selon leur valeur waaw voilà waaw man ma yor auto bo xamné valeurum 5000 euros la waaw yow nga yor auto bo xamné valeurum 7000 euros la ñuy échanger waaw ma jox la sama boss mais comme yow sama 7000 euros la ma doli le 2000 voilà wa lolou meun na nek xam nga lutax parce que dugul ci kaawu ka yi nga xamne mom moy asnafu riba wi moy yi nga xamantene ci la riba yi amé lolou mom motax benen affaire tam meun na nek moy manilo man sama auto bi mercedes la wala audi la ce peugeot yi wala renault be nga am manam nga jënd ci nga jox mo fukki renault yi ma jox la sama benn audi bi lool man na ne amna ñaari chemise nga ma jënd ko sa ñetti chemise yi wala sa benn chemise bi man na nek parce que dugul ci asnaf riba yi manam dugul ci yi nga xamne ay riba la comme tay par exemple manela yorna ñaari kër yo xamne wala benn kër bo xamne lion la nek nga jëndé ko sa ñetti kër yi nga xamne Dakar la nek lool man na ne parce que ñoy bokkuñ ci asnaf riba yi te bokkuñu tax voilà donc ñoy mais nga xamantene ñom ñoo bok ci asnaf riba yi manam yo xamantene ñom ñoy xéx yi nga xamne riba man na ci ne yoy lañu téré maintenant buñu xolé orvié tandarma yek dañ ci duggal lepp lo xamne dañ koy lekk ba paré diko mëna pc wala bok mu nek luñu mëna denc té diko lekk yoy dañ ko ci duggal wala haa wa amna benn question ci buffet à volonté lañ ma laaj wa xam lolu kay moy benn bi rek bindé à volonté bi lolu li tax dafa haram Mais bien sûr. Nous continuons. Ak lan la mais su fekente na tay ba pare tamit dafa bok ci condition moy limay jënd damay am droit usage lu ma nexé ma utiliser ko alors que bu fi à volonté tay tay xam nga bu ma démé ci ben kebab ni day ma ben kebab 5 euros buma nekké sur place buma paré mu def dama koy def duggal ko sama mbuss yobbu sama kër parce que dama ko jënd mako mom légui mais alors que fin limay jënd mën na ci tibbu ñaari tibbu rek sou té dou mënou yobou dara awma droit utiliser ko droit d'usage bobu tay fim toll lool mom motax bép njaay mo xamantene tay dañ la ci chartal lo xamantene day yak même li nga xamné moy principe njaay ci bopop day dal di haram tay fim toll buma la jaayone keur ni la sous condition do ko loué day haram non pourquoi non parce que tout simplement parce que l'usage de l'illimité en tant que tel moy né man soumay woté kèn gu né ma woté nga nangam woté wulo nangam etc manam selon mes besoins j'appelle oui mais c'est à dire que j'ai le droit dès le départ de l'usage bamou jeex awma manam té voilà c'est à dire hein voilà voilà contrairement à l'ec parce que l'ec du moment de guin vous m'avez guin rek pertinent vous m'avez guin yu bala dal mais c'est le contraire vous savez ça mais téléphone d'accord. Non, téléphone, c'est clair. Appel, dit. Wow. Mais j'appelle. Mais yo, xam nga tay fim toll, xam nga contrairement, xam nga li tax ñom ñaar mënu ñu nekk ben. Tay limay bumay lek ni. Limay lek tay ni. Buñ néma à volonté la rek après da ngay jël. Instant bi ni suma lekké touti dal ni ah man day soxla na luma ci wé ci ngone, bu ngone. Duma ko man je ne pourrais pas alors que mu don kebab bi dina ko man contrairement ak téléphone bi feek ma ngeek mom contrat mi ngi daw sa yu mané xé rek damay beul sama téléphone woté contrairement ak lek yi téléphone dañ ko tuddé illimité rek mais dafa am ay teunk yu ñu def dina def yo dang koy xam parce que dama do xam sa contrat rek même usage bi c'est connu ben na la fi nga meuna woté ak fi mais am nga illimité c'est connu légui ci ñam ka ba poser par exemple man ma jënd ben affaire wa ma sa nga jaay ma ordinateur wa man na la viral khalis suba wa nga jaay mako 500 euros wa nga ne wa ordinateur bangi ma na la viral khalis suba wa suba jot mo do viral 500 ma rendre compte ma 300 rek la mo do viral wa suba wa jaay bu baaxati wala non mais da ngeen dang koy wax après ne mu meuna la bokku ci nga kiwol mako nga ci nga yone ma ci dess wala bok mom tam meuna na la comme 500 nga ma jox 300 leg boma joxe 300 leg yow da nga may yoral 200 ci mim njaay mi wa ci mim njaay mi da nga may yoral 200 bi mais suba way yadan bi meuna la joxor na teul en même temps nga yoral ba xel waaw non lolou meuna na parce que leb la lay tuddu d'accord lolou leb la lay tuddu Parce que exactement. Voilà. Fofu fofu tamit riba da fay dugg xam nga lutax amna fu riba di dugg fofu bu fekkon tane 5 euros manam euro bi comme ni ma koy def ci banque bi suma joxe nangami euro mom bu may gennel ci CFA nangam la ma koy gennel banque bi non la may defal duma jëlal dara bobu dagal na parce que dama ko jox nangam euro mu jox ma nangam CFA ci lu tollo ak change euro bi ha voilà voilà lolu kon lim ma defal len rek la moy ha moy daf ma wetch contrairement ak ki nga xamantene mom ñun xam nañu ne valeur euro bi nangam la xam na ni par exemple valeur euro bi 656 mom mu ne ma man 600 la la koy defal parce que dafa user dafa utiliser force bi mu am parce que xam na ni man dama ko soxla mu utiliser force bobu koku moma ki nga xamantene da fay ñew nga fekk ko ci buntu jakkadi wala yoy nga yor juroomi deureum ni dama bëgg wéccé mu jox la ñent deureum ñoy ak ha loolu kon ké du duggu ci euro général parce que même banque bi ci bopam bo démé banque bi da dox na la euro ta lañ koy jaay ñun suma banque voilà légui nak amna benen affaire bu am moy ñaari possibilité mo né parce que lolu ça m'étonnerait que mu nek lo xamantene dafa général au point amul yoon amul porte de sortie lolu ça m'étonnerait parce que tout simplement qui de changer bureau de changer wala banque tout simplement banque yu mak yi voilà dañ ko fixer donc voilà maintenant lolu moy benen bi ci dess moy fu fekenteene man manam nit ki amul taxé ba mënul def lenen day obligé def lolu ce qui veut dire bu boba mom daf koy def contre mom ce qui veut que bakkar bi ci kenen ki rek lay nek lolu ci am ñu ko yobal fi danaka du ñep nak légui France jafé na li tek sam mais souvent nit ki ram carte bob nañ la permet de retirer voilà amna lo xamné obligé wu ñu nga retirer xalis yu bu ko voilà non mais même ça ne pas je te pas dit que moi yo ngay retirer ba xaram ngom ci bi seigne bi faante ne ko contraste ya di ñu wéci ak même banque ci mom même bureau de change c'est pas parce que ñom nekul valeur réel euro bi lañ lay changer non c'est à partir de 100 euro de mieux jox la réel ci pardon avant les salaires là am ma yenn prix yo xamné sonu nekkel wa mais lool d'une façon fekete na amul lo fexé loolu lool bakka ñom lay nek lool lañ wax jihatu mu bakka lo xamantene waji mënulo amulo wala amulo fexé mi rek mo am donc non ngay def mi ñu wel li rek comme tek comme bu fekete da ngay déposer sa extrait de naissance wala sa passeport wala nga dem agent bi ne la mom faaw nga bafi dara bo fi bawul dara do jël suñu té lolu ennui yi ma mëna indi yalla rek xam lu mu toll mais dang koy jox xaaliss bi mu dang koy badar mu dem mais mom bo wa bankar bi bokoy war ha deudet lolu jihad mu pakka rek lañ ko mën tudde voilà on a cas concret bu ñu doon bu ñu posé bo xamné États-Unis la waaw États-Unis la né waaw lepplé par exemple $500 waaw waaji jot fi 3 à peu près 300 euros par exemple waaw ñu dem Europe yi mu war ko délo 300 euros mais xamna ñu gis né waaji du jot ci $500 mais plus de 500 la waaw légui bobu nu ñuy def voilà exactement lolu mini def len rag la moy dañuy set ki joxe mom waru perte manam parce que dañuy mesurer affaire bi ci couru moment bobu manam moment bi nga xamantene mom lañuy leblé ak mom lañuy jël cour bi lan la bu fekkentene man $500 la la lebalon $500 la la lebalon comme euro mom mo fixe en fait dollar bi mom moy changer euro bi mo fixe suñu somay so $500 nga ma joxone $500 la lay delo quel que soit prix bi c'est comme si buma la joxone buma la lebalone 5 kilo or 5 kilo or ñu dem ba deewel or bi yek yow biñ ko yoré parce que yow moné nga ko xaliss nga ko don doyé nanga yow par exemple 5 kilo or yi am nga ci environ 12000 euros nga ci am mais ñu dem ba ben moment or bi yek ba nga am 5 kilo or yi 20000 euros lay japp yow bo may délo ñeugou 5 kilo or nga may délo quel que soit changé duma perte duma wagné ko la. C'est comme qui joxe azaka ci limi jaay tay buma jëndo buma yoron ay ordinateur yu may jaay dama xam nga ordinateur munu duma ci genn azaka ak keur ordre yoyep amul azaka amul impôt c'est l'islam yoyep amul impôt sur l'habitat amul impôt sur l'effort lolu amul non matériel non yi impôt yoyu yi ci am impôt juroom rek la or la khalis moy or khalis moy an nak day ni ak mbay te mbay bi du mbay yep il faut que mu nek lu nuy pc ak lu nuy nat mais fu condition tamit comme ci boudé maliké ñu mën ko denc te du yaq légui ak parce que tay lool mom motax par exemple yenn ki comme khal amul ki amul asaka ay ñom naajo ñom ñaan bi ñom amuñu asaka yi am han day yaqku wa non seulement day yaqku mais amna benen aspect bu ci dugg moy duñ ko pc duñ ko pc duñ ko mesurer duñ ko nat voilà deug mais kon ñoñu kenn du genn asaka ci ñoñu maintenant han wala legui benen bi ci dess mom moy jur li ñu tudde bahimatul an'am xar moy bet wala betay moy besiyo xar nak geulem waji ci dess bey benen bi ci dess mom moy li ñu tudde ricas moy tan yele gis na ko ci journal bi mu am ben moy ñu nane Angleterre xawmu ci geej gi dafa am ben ki buñu amone buñu fetone trésor voilà par exemple man ma dem ci all bi rombu fo trésor bo xamantene dama don gas wala dama don ki rek ba trouver trésor légui boba man xumus manam un cinquième bi rek lay jël joxe ko moy azaka bi li ci dess ma mom voilà lool moy légui yoy rek mom lañu génné azaka azaka kén du génné ci lénen. Maintenant nak par contre suma amé lénen lu mëna don man na ci génné azaka sous condition ma diko lan ba diko jay suma jay par contre dama ci génné azaka voilà légui tay buma yoron par exemple 20 ordinateurs ci sama magasin diko jay ma jëndé ko ordinateur yi période bi ma len bima koy jënd ma jëndiko 200 euros ma diko jaay mais année bi delusi manam kon bu année bi ñëwé en fait damay def inventaire sama boutique sama magasin lolu ñi am ñi xam ki boutique xam nañ buma def inventaire bi légui nak limay jaay moy damay jaay ci cours tay di ñaata lay jar fa ci dem ñaata la doon jar parce que sinon mon na perte ci la lebal tamen non la mom moment bi mi ki parce que mom war ko fet manam war ko fet war ko gagner sun la lebal voilà exactement du ci perte du ci gagner do tax sa mom wadi menen 500 euros lay jox 500 dollars lay jox 5 kilo or la pourquoi mom delo la 5 kilo or nga xam ne boko jaay mais 5 kilo or nga koy delo wa quelque soit valeur os wa dég mo ko ci jaay be mo jox mo xam 12000 20000 tam wa wa papa 5 kilo or nga koy jox wa me wax na ko leg moy wa moy li am valeur fiduciaire jour gi ha mbay ha wa mbay dafa am ay catégorie yeb dañu am ay condition ay condition aussi voilà ak lan vignasse voilà ricasse mais la ak liñu jaay ak ni ñuy jaay han wa bay ma taan han voilà bay buñu arroser non bay biñu arroser rek lañu non han non non non voilà ak biñu dul arroser ñom ñaan ñep dinañu genn azaka mais sauf que biñu arroser mom azakam genn walu biñu arroser wul la voilà suma amé sama tol bu may arroser ak voilà bu ñu arroser ñom ñaan ba paré tamit jur gi han wa juste là voilà jur gi tamit du yep lay genn azaka par exemple jur gi nga xamantene man dama lay la yor sama bir keur duma ci genn azaka parce que ma len di wogu ma len defal lepp bu de dañu genn di foré ji mom lay genné voilà voilà ñu ñam fop xamna yeneen yi après dañ ko gis ci yeneen jotaay bi question tamit ñu baye benen yoon faté benen yoon lañu ñu ala wallahu ta'ala alama sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.